Alors maintenant. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de Star Wars. Star Wars. C'est l'heure de Star Wars. Mathias, qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, je vois ça. Tombe pas. Parce qu'il faut que je mette une petite musique. Du coup. Bah c'est l'heure qu'on attendait tous, ouais, c'est l'heure Star Wars. Non, pas moi, pas plus que ça, mais. Bon, bah, et tu n'es pas encore un Jedi. On va. Bah non. Nous quatre, non. Non. Bah on va juste voir Star Wars le 16 décembre à 10h. Ou pas. Ou pas. Peut-être. Tu veux le jaune? On échange? Vas-y. Quoi? Simon? Simon, tu t'en vas? C'est Simon qui s'en va. Alors là, faut meubler parce qu'il y a vraiment du monde. Ouais, là, il y a plein de gens qui s'en vont. Il y a plein de gens devant la cam. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un petit chat. Est-ce qu'on peut discuter de trajets ailleurs? Est-ce que les trajets de métro, ils peuvent se faire de l'autre côté, s'il vous plaît? Alors, c'est l'histoire d'un petit chameau qui s'appelait Taratata. Et toute sa vie, il faisait... Du coup, à un moment, le petit chameau Taratata rencontra une petite belette qui s'appelait Simone. Alors, Taratata dit à Simone... Et Simone lui répondit... Ensuite... C'est bon que... Yes. J'aime beaucoup la prochaine heure qui va arriver. Alors, je le rappelle, puisque le travail n'a pas été fait. Mon ami Raphaël a snobé, mais on va être dans la première salle de France qui diffuse le Star Wars. La première salle du monde. La première salle du monde. Bah oui, c'est la première mondiale. D'accord. Peut-être. Bah oui, peut-être. Peut-être que nous irons peut-être à l'UGC Vinavdas, on ne sait pas. À 17h. À 25h. Non, je vous propose de parler pourquoi on a choisi de faire une heure Star Wars. Parce que c'est le plus gros événement mondial de toute cette génération. Alors, j'ai eu l'habitude de dire que pour moi, l'événement qui marquera l'année 2015... C'est pas le festival des citrons, c'est pas le festival des fleurs. Le festival des citrons de Menton? Oui. Il y a la COP21 aussi? Non, c'est pas la COP21. Est-ce que c'est... Non, je vais rien dire. Non. Mon silence... Non, ce n'est pas le discours de campagne de François Hollande, c'est pas ça. Non. Non, c'est bien l'événement qui va marquer cette année, c'est Star Wars épisode 7. Le très attendu Star Wars... On pensait... Non, ce n'est pas Aladdin. C'est ni Mad Max, ni Jurassic World, ni Spectre. C'est bien le Star Wars, un film que vous avez forcément déjà entendu parler, aussi connu que le Coca-Cola dans le monde entier. C'est un film... C'est une religion qui sort. C'est... Alors, Star Wars, pour ceux qui ne savent pas, Star Wars, c'est un film d'horreur. Je reviens sur religion, et c'est vrai, puisqu'il y a une religion qui est sortie il y a pas longtemps qui suit la force. En fait. Le judaïsme. Un petit quiz Star Wars. Quel est le nom dans la saga Star Wars du Jedi qui a un sabre blanc? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Yes. Quel est le nom du personnage préféré de George Lucas? Jar Binks. C'est Jar Binks. Ah merde. Dans quel épisode apparaît pour la première fois l'empereur? Le 1. Non. Chronologiquement dans les menaces fantômes. Non, quand les films sont sortis. Bah par ordre chronologique de sortie de film. Le 5. Quel est le premier? Et non, c'est le 4 où il apparaît en hologramme et ils ont changé d'acteur. Et oui. Vous parlez de qui? De l'empereur qui apparaît pour la première fois à l'écran dans l'épisode 4. Ouais. Il apparaît avec un hologramme. En quelle année George Lucas a sorti son édition spéciale avec un cut, un final cut, un cut de réalisateur? En quelle année est sortie cette version de Star Wars d'épisode 4, 5 et 6? Quand est-ce qu'est sortie l'édition spéciale? L'édition spéciale de Star Wars avec des petits changements dans le scénario. Il est sorti tout le temps en 2005, je crois, pour ses 30 ans. 2004, tu étais Mathias, c'est bien, c'est bien. Je vais arrêter de prendre cette voix de connard et on va parler normalement, je pense. Parce que là, c'est... On ne rigole pas. Raph, surtout, le premier intéressé. Ouais, on attend Raph. Le premier intéressé, Raph. C'est moi. Il est fou, lui. Pour te prouver... Ouais, technique. Ah, ok. Au fait, nous avons une petite... normalement, nous avons de la musique Star Wars ou ça, machin, mais notre ordinateur qui est censé le faire, qui est le mien, a un faux contact au niveau du chargeur. Et du coup, il s'est vidé de sa batterie. Et là, c'est la merde. Est-ce que tu veux un chargeur universel ? Bah non, mais si on... En fait, il faut une puissance adaptée. Il y a un certain bruit. Je pense que c'est l'empereur qui a fait ce bruit. Non. Ah, c'est moi. C'est notre ami. Mais continue à meubler avec autre chose, hein. Ouais, bah écoute, on continue de meubler. Alors, mais tu veux pas venir... Ah, attendez, j'ai quelque chose à vous chercher pour vous. On va meubler avec ça. Je reviens. Viens, Eve. Ouais, mais on attend Raph. Mais de toute façon, il y a une qualité de... Tu sais, moi, je suis là depuis le début. Je crois qu'ils ont vu une descente aux enfers. ils sont prêts à tout. Assis-toi, prends un mic. Bah ouais. Allez, prends un mic. Allez. Eve. Allez. Oui, parce qu'il y a quelqu'un en off depuis tout à l'heure qui nous parle. Du coup, c'est très chiant parce qu'on est obligé de dire ce qu'elle dit tout le temps. Et elle veut pas venir. Donc tu viens. Allez, t'as ça. Mais c'est pas grave. Justement, les gens, ils adorent ça. Les gens, vous aimez les beats ? Nous aussi. Ah, les beats d'amarrage, hein. Je vois pas de quoi d'autre on pourrait parler. Oui, tu peux t'asseoir dans le fond là-bas. Tu peux prendre ma place avec mon micro bleu. Hop. Voilà, très bien. Je vais faire ça. Oh mon dieu, t'es pas photogénique. Voilà, et tu prends Est-ce que vous avez raconté un tas de trucs sur Star Wars 7 ? Parce que moi, vraiment, je n'ai rien vu, je connais que... Ah oui, on va... Je pense que oui. Mais tu vas pas être spoilé plus que ça, c'est juste qu'on va parler des personnages, des machins... Ouah, un sac poubelle. Ce reste le petit Grégory. Voilà, j'ai fait la vanne. Ça fait 30 ans, d'ailleurs. C'est vrai, en plus. Putain. 30 ans. Alors, voilà. Non, mais attends Raph. Je vais attendre Raph pour vous offrir les cadeaux que j'ai achetés spécialement pour mes trois savoureux préférés. Ah putain, ça y est, il est enfin là. Ah, c'était chaud. Hein. Voilà. Alors, juste avant de commencer, j'espère que on va parler de beaucoup de choses de Star Wars. On va parler de beaucoup de jouets et des dérivés qui ont été créés pour le film, enfin pour aider à la publicité. Beaucoup trop. Oui, bien sûr, comme à chaque fois qu'un Star Wars se sent. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu participer à l'économie de monsieur George Lucas. Et de Disney. George Lucas, il touche plus rien, il a tout vendu. Bon, bah, pas George Lucas, mais Gigi. Alors, pour le côté obscur de la force, yo, je vais donner ce petit cadeau à mon petit Raphaël. Merci, j'ai des magnifiques chaussettes Kylo Ren. Avec Kylo Ren dessus. Ouais. Pour mon Chewbacca préféré, le plus barbu, le plus poilu, je t'offre la chaussette la plus moche que j'ai trouvée, avec Chewbacca dessus. Il est marqué Loyalty, c'est super moche. Voilà, c'est pour toi. J'espère que tu le porteras le jour de la sortie. Moi et aussi. Enfin, mon petit je sais tout, mon petit casse-couille, mon petit nouveau préféré, je t'offre le droïde super casse-couille. Oh ouais, putain, voilà. J'avais besoin de chaussettes, mec. Je t'offre une chaussette. Une chaussette. BB-8. Et toi, voilà. tu t'es pris des chaussettes. Moi, je me suis pas acheté de cadeau. Si, je me suis acheté un t-shirt à Jules dans une échoppe de vêtements. Une échoppe. Et voilà, c'est un petit t-shirt à col V. Et je pense qu'on a suffisamment meublé pour cette partie. Allez, donc, En tout cas, j'espère vraiment que vous allez mettre ces chaussettes quand on le verra ensemble à 19h30. Ça me fait plaisir. Moi, j'ai une intervention et je suis un petit peu déçue. Il fallait me prévenir parce que j'ai un super t-shirt Star Wars que ma copine Juliette m'a offert il y a au moins 2 ans, je crois maintenant. Et j'aurais pu le mettre. Mais du coup, je suis un peu déçue. Mathias, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai un caleçon qui est Star Wars aussi, je vais vérifier. On a un problème de... Et il était chez... Je l'ai acheté chez H&M. H&M. Et du coup, c'était quand que tu as acheté ce t-shirt? C'était t-shirt pour mon anniversaire de mes 20 ans. Donc, c'était il y a un an, tout simplement. Ah, c'est super vieux. Putain, j'ai trop... Waouh, j'ai trop H&M envie. H&M était déjà en avance. Et grâce à Juliette, c'est bien. C'est dingue. Oh là. Et il est magnifique. J'aurais pu le mettre. Moi, je vous propose déjà de dire Qu'est-ce que le 7? Qu'est-ce que Star Wars épisode 7? Qu'est-ce qui a pu mener le Star Wars épisode 7 à se faire? C'était déjà prévu depuis longtemps, Star Wars 7, tu vois. C'est que c'était un projet... Enfin, George Lucas, il a toujours prévu de faire 3 trilogies. Donc la préquelle sur la naissance de Dark Vador, la chute de l'Empire et l'après-Empire, mm-hmm. qui n'a jamais été fait au cinéma. Et c'est ce en fait mais c'était vraiment prévu parce que oui, c'est... oui, il a vraiment écrit comme ça. Je sais pas si vous connaissez, on connaît tous l'univers étendu de Star Wars. C'était des univers qui ont été créés après le film, c'est ça? Mais est-ce que c'était la vraie histoire de George Lucas ou c'était non après bah en gros si tu veux il y a eu une fois que les films sont sortis il y a eu les comics donc sortis chez Marvel où les trois premiers numéros suivaient et Star Wars sont sortis chez Marvel. Ouais, Star Wars avait la licence Marvel Marvel a la licence Star Wars comme elle l'a toujours maintenant, vu que c'est Disney, il a tout récupéré. Ah putain, je savais pas si, que... Si, les comics qui sortent maintenant, c'est Marvel. Ok, bah et donc, c'est tous des artistes Marvel qui travaillent dessus. Ok. Et donc, du coup, il y avait les trois premiers comics donc, de 77, donc Star Wars 1, 2, 3. Ça reprenait le scénario de Un Nouvel Espoir. Et après, ça emmenait sur des aventures qu'on n'avait pas découvert. Et du coup, c'était par exemple Han Solo qui se bat contre des mecs, Chewbacca qui va sur la planète des Wookiees, mais il n'y a plus personne sur Kashyyyk, tout ça. Et en gros, il y avait un... Comment ? Yavin ? Ben, ils sont déjà... De toute façon, George Lucas avait déjà écrit les oui, les c'est, ce que, épisodes, oui c'est ce que j'ai dit en préambule, c'est qu'il y avait les neuf épisodes. Ils sont enfin, ils étaient déjà écrits, c'est-à-dire que... Tout était déjà prévu pour être tourné. Oui. Et ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait parce que Disney a dit non. Disney ? Bah oui, quand ils ont racheté les droits de Lucasfilm. Non, mais nous, on te parle de quand celui de 77 est sorti, Un Nouvel Espoir. Oui. C'était déjà prévu. C'était déjà prévu dès la sortie de. De toute façon, avant la sortie du Nouvel Espoir, il y avait déjà des bouquins qui relataient. L'histoire de Mace Windu. Là ? L'histoire de Mace Windu. Oui, oui, je vois de quoi tu parles. Voilà. Mais en gros, si tu veux, George Lucas, quand il a vu que Star Wars s'agrandissait, il a nommé des mecs qui étaient chargés de gérer tout l'univers étendu et de gérer la continuité, comme chez Marvel, comme chez DC. C'était eux qui étaient chargés de gérer toute la continuité de l'univers. Que ce soit cohérent au film ou à l'univers étendu lui-même. Mmh. Donc on a eu le droit à des histoires où Dark Maul revenait, où l'Empereur s'était cloné. C'était l'histoire de l'univers étendu, ça, qui n'existe plus. Mais d'ailleurs, qui est-ce qui a décrété qu'avec un film Star Wars épisode 7, tout cet univers, il a été détruit, en fait. Disney, parce qu'en gros, une fois qu'ils ont racheté les droits, ils ont plus voulu rien avoir à traiter avec Lucas. Et pour eux, l'ancien univers étendu, maintenant, c'était la marque Lucas, George Lucas. Et du coup, ils ont voulu balayer ça et dire, on s'en fout, tu vois, on rachète une licence pour recommencer de zéro. Parce que moi, je pense à plein de licences, en fait, autres que les bouquins. Je pense aux jeux vidéo, par exemple. Il n'y a plus rien qui compte. Jedi Knight. Genre, le pouvoir de la force, ça compte plus. C'était vrai ou pas ça? C'était quoi? C'était jusqu'au rachat en 2013. Le rachat de Lucasfilm. Ouais, c'est vieux, hein, c'est plus vieux que ça. C'était hein. Y a 2012, c'était, non? C'était il y a 3 ans. Ouais, 2012. Ouais. Et donc, jusqu'au rachat de ça, c'était considéré comme canonique. C'est-à-dire que ça rentrait dans l'histoire globale de Star Wars. Mais depuis le rachat par Disney, ça ne compte plus. Par contre, il compte quand même la série The Clone Wars. Ouais, il compte les deux séries Clone Wars. Forcément, c'était Disney. C'est Clone Wars. Quoi. Mais les Clone Wars, la première version les deux. De Clone Wars. Les deux versions. Ah oui, d'accord, ok. Elle compte tout le. Et Star Wars Rebels, c'est aussi Disney, ouais, ça. Ouais, c'est Disney qui. Ça, c'est la série d'animation faite par Disney. Ouais. C'est bien Disney, ça. D'ailleurs, j'ai jamais regardé. Et sur France 4. Alors, c'est niveau histoire, c'est intéressant pour l'univers. Mais les textures sont tellement tout le visuel il est vraiment si vous vous rappelez de la première série 3D qui était pas belle du tout aussi au fait plus ça allait plus ils prenaient du galon les mecs dans l'animation et dans les textures et la dernière saison c'est vraiment cool au niveau d'ambiance et tout et au niveau histoire enfin niveau scénario et c'est vraiment bien par contre la première c'est vraiment chaud ouais et vu la claque de The Clone Wars la série en 2D là ouais. Enfin, ouais, c'était, c'était nouveau. Après, c'était pas. Non, c'était Clone Wars, la série en 2D, et The Clone Wars, la série en 3D. C'était, en plus, d'habitude, j'aime vraiment pas ce style d'animation tout carré, tout bizarre. Ah non, mais là, ça colle totalement à Star Wars. Ouais, c'était tellement mature comparé à la prélogie. Ça, c'était en termes d'animation, c'était pas super. Ouais. Tu vois. Non, mais c'est fait exprès, tu vois. C'est un style très minimaliste dans l'animation. C'est moi, du mec qui a fait Samurai Jack. Les garçons, vous m'avez pas répondu, vous avez esquivé. Ah, attendez. Qu'est-ce que j'entends? On va esquiver une deuxième fois, Eve. Yeah. Yes. Putain, c'est tellement bon d'entendre ça. Vous savez que j'ai les vinyles. J'ai le vinyle de putain de Star Wars, sérieux. Souvenez-vous, dans un épisode du pavé, Victor disait « Ouais, attention, les vinyles, j'aime pas ça. » Non, mais les vinyles, c'est clairement un truc de hipster. Les vinyles, c'est clairement un truc de hipster. Je sais pas si tu nous écoutes. Quelqu'un qui doit comprendre cette vague, voilà. C'est tout. Mais d'accord, c'est bien un truc de j'ai l'impression que ça suscite beaucoup de réactions, le Star Wars, là. Mais bien sûr que ça suscite des réactions. Le Star Wars. C'est bien, j'aime en prendre ce ton sérieux. Et du coup, est-ce qu'on peut baisser un peu la musique en régie, histoire qu'on puisse parler? Merci. Donc, Eve, tu avais donc une question. Ouais, est-ce que, en tant que seule et unique fille, hein, est-ce que c'est vrai ce fantasme sur la princesse Leia en bikini? Oui. Accrochée à une vieille grosse limace? Oui. Ah non! Clairement, oui. C'était et d'ailleurs, mes premiers émois cinématographiques. Parlons-en parce que Disney a dit que ce bikini n'existait pas. Non, voilà. Il l'enlève? Elle est nue? Non. En fait, tous les produits dérivés liés à ça, c'est n'importe quoi. Ils vont le supprimer. Oui, les enfants. C'était ouf. Parce que c'est parce que ça représente pas les droits de voilà de la femme. Et là j'ai envie de dire c'est une époque et que ça fait partie de la pop culture actuelle. Donc vous pensez que les nouvelles actrices dans les prochains Star Wars ça atteindra pas ce niveau non. fantasme? Bah non, bien sûr que non. Tu vois bien que ça a été réfléchi dans un truc beaucoup plus dans son temps. Tu vois les personnages principaux, il y a John Boyega qui est noir. Qui est black. Comment elle s'appelle? Ah, bah je sais plus qui c'est qui joue la. Ray. Ray, ouais, je sais plus. On verra ça. Ah, enfin, je sais plus son nom. Déjà. Et enfin, tu vois qu'elle est pas du tout habillée dans ce truc-là. Bien au contraire, elle est limite plus habillée que tous les persos réunis de toute la saga, parce qu'elle. Enfin, on voit quand elle est dans sa tenue du désert là, elle a une espèce de gros pactage et tout. Ouais. Enfin, c'est pas du tout pour faire ça le set. Ok. Est-ce que vous avez des grandes questions en produit cette Kawan, tu veux peut-être ouvrir ce bal. Je disais juste une production qui a grandi avec son temps en fait. Mm-hmm. Si ça se passe en même temps dans le passé dans le truc, mais dans le futur dans le film en soi, mais ça joue aussi avec le futur, c'est dans la manière de réaliser. Clairement. Malgré les lens flares. DJ. Mais il a dit ouais, je me suis calmé. Il l'a heureusement qu'il l'a dit. Déjà quand on l'avait vu dans la bande-annonce, je sais pas si vous vous rappelez. Quand on avait regardé les sphères dans ensemble, le vaisseau de Kylo Ren. On avait gueulé et tout. Non, il y en a un et tout. Putain, c'était horrible. C'était ouf. Ça date de quand la première bande-annonce de Star Wars? 27 novembre 2014, il me semble. Et c'était un vendredi. C'était un vendredi. Ah merde. Je me souviens encore de quel cours on avait et quel prof on a fait chier pour la regarder. Je me souviens très spoiler. Très spoiler. Et quelle réaction on a tous eu devant. Ouais, c'était. Oh putain, les X-Wing. Wow. Non, c'était ouf. Je sais pas si c'est. Moi je l'ai toujours pas vu, j'ai pas envie de la voir. Non mais il y a plein de gens qui veulent pas voir les bandes annonces de Star Wars. Non mais Star Wars c'est. J'ai pas trop envie de savoir ce qui va se passer ou les. Non on sait pas trop. En fait, dans la bande annonce on sait pas tellement ce qui se passe quoi. Qu'on t'a des. Enfin, c'est plus par rapport à la bande originale. Oui, c'est la bande originale. Je pense que même la bande annonce c'est même. Elle a même pu au stade de bande annonce. Non c'est juste avoir des images. Non c'est ça, c'est pas un caractère informatif ni. C'est vraiment ça joue avec le spectateur. C'est, un teaser, c'est Star Wars. C'est ça, c'est exactement un cadeau en fait. C'était même ne pas voir d'acteurs qu'on avait déjà vus, c'était déjà ouf de voir le titre Star Wars. C'est ça a fait des frissons, ça a fait pleurer plus d'un. Non, mais des larmes ont coulé. C'était à 1 minute 30 de Star Wars et tous les 6 mois on a eu Disney qui fait bah tiens prends un bout. En attendant, ouais, c'est ça. C'est trop prends ça. Une image, prends. Analyse, prends regarde pourquoi news. Le masque de Dark Vador il est comme ça. Alors, maintenant je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez des grands sujets à aborder sur l'univers Star Wars ou pas? Est-ce que vous voulez parler vraiment d'un débat et d'une problématique de Star Wars pendant cette heure-ci? Bah, Boba Fett, pourquoi il est pas aussi. Pourquoi toute cette hype alors qu'en fait. Il est pas développé. Il est pas développé. Ouais, mais Boba Fett, c'est l'image même du chevalier. Noir, c'est le Power Rangers noir, tu vois, il est toujours de retrait, mais il est là. Tu non, vois, moi, je trouve que Boba Fett, c'est le gringo. C'est tu vois dans les trucs de western, c'est pas le gars, il est pas méchant, il est pas gentil, c'est juste il est là, il fait son job. Si on lui dit va crever ce mec là et ramène-le-moi, je te donne 200 balles, c'est le mec qui va faire ça. Ouais, donc, c'est en fait, un c'est mec ça, qui a pas d'honneur sauf le sien quoi. Il s'en fout des rebelles, il s'en fout de l'empire. Son papa, non, mais c'est un bon travailleur, il s'en fout. C'est un bosseur. C'est il était enfin il l'a vu mourir comme ça. Donc c'est de la vengeance. Alors c'est pas c'est son père, on va oui, commencer par oui, c'est pas son c'est père, pas c'est son frère. C'est lui, c'est, de la c'est lui, c'est le même. Mais ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres. Alors j'aimerais savoir, puisqu'on a déjà fait plein d'hypothèses sur Star Wars épisode 7, mais c'était quoi votre hypothèse sur Star Wars épisode 7. Je sais qu'on en a tous une petite brève, peut-être. Un truc qu'on aimerait expliquer aux autres, ceux qui nous écoutent. Alors, vas-y, Mathieu, on a plusieurs, enfin moi j'ai plusieurs hypothèses au fur et à mesure de ce qu'on regarde et des news qui tombent. Du coup, la dernière en date avec John Williams qui a dévoilé sa bande originale de façon. Mais ça, c'est un fake, Mathias. Comme un gros porc, c'est pas un fake. Mais bien sûr que si, tu vois, c'est trop explicite. Bon, alors, John Williams, comment dire, le compositeur de... Il est la Ridley Scott ? Le compositeur de Star Wars, enfin, la bande originale de Star Wars, a dévoilé la bande originale il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une semaine. Parce que c'est en vente sur Amazon. Et du coup, il y a tous les titres. Et en général, les titres spoilent à mort. Ouais, mais là, c'est clairement un coup de Disney. Il y a tellement d'argent dans le marketing, c'est mais pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Non, tu peux pas dire ça. Tu vas voir quand même, c'est Star Wars. Non, mais il ouais, ouais, y a pas question de t'en branler. C'est spoil pas... toute l'histoire. Et ouais, limite, c'est quand même aller le voir. Ouais, c'est comme un Tarantino. Tout le monde irait le voir quand même. Non, c'est même plus que ça. Non, dis pas ça, Victor. Ouais, je vais péter un plomb aussi. Ça va être chiant. On va perdre 10 minutes. Je vais être obligé, pour meubler les engueulades, de faire 3 mimes. Une improvisation sur un cheval et un canard qui s'appelle Coin. Mais le cheval, pas le canard. Je pense qu'on a totalement dérivé à ce moment même de cette heure-ci. Il est quelle heure ? Il est 21. Oh, toi, putain, dans 40 minutes encore. Ça va être très très long. Mais non, putain, mais non, je suis trop chaud. Et du coup, ouais, niveau théorie, y a du tout et n'importe quoi. Mais toi, c'est quoi ta théorie ? Est-ce que t'en as une ? Ma théorie, c'est vu les bandes-annonces où ils parlent de... du chevalier noir asthmatique dit Dark Vador, dit Star Wars, j'allais dire, c'était n'importe quoi, qui est mort. Donc je pense à un apprenti qui caché au fait à la Star Killer dans Le Pouvoir de la Force qui vient prendre sa vengeance. Mais après avoir lu la petite bande dessinée que tu que alors tu fait, ouais en gros il y a la première œuvre, enfin une des premières on va dire visuelles, parce qu'il y a eu des romans qui sont sortis non c'est une œuvre visuelle, enfin bref, et donc en gros il y a un comics qui se situe entre le retour du Jedi et le The Force Awakens, et en gros c'est ça explique pas mal, enfin je sais pas si t'as vu 2-3 trucs vas-y. Bon c'est on va pas vous spoiler ce qu'il y a dedans, mais si vous voulez voir un peu, si vous voulez vous mettre un peu sur la piste du set, bah je vous conseille de lire cette BD qui est donc c'est Star Wars les ruines de l'empire où on suit le destin des rebelles juste genre l'heure après la bataille de Endor. Bah d'ailleurs tu la suis quand même la bataille d'Endor parce que ça démarre au début, enfin à la fin, le début du comic c'est la fin de la bataille d'Endor juste avant l'explosion de Tom. Tout à l'heure vous parliez des séries animées, de tout ce qui était sorti. Est-ce que vous pensez que du coup tout ce qu'a fait Disney, ceux qu'on pas vu, ceux qu'on pas regardé, qu'on pas lu, qu'on juste vu les six épisodes originaux et qui vont voir le 7, il y a des trucs qu'ils vont pas comprendre ou non, c'est pas... non, c'est... non parce pas... que c'est quand même une continuité de la saga. Ouais. Non, justement, c'est pour ça qu'il y a un conseil de la continuité qui gère pas mettre trop d'informations et juste par petites touches, tu vois. Enfin là, vu que c'est du teasing, ils ont vu à mort ce qu'ils mettaient ou pas dedans. Quand tu regardes bien, c'est vraiment une des seuls trucs qu'on a après le 7 et c'est très léger finalement. Oui, t'apprends pas tellement de choses. grand chose. Enfin, si tu apprends des trucs, mais tu pouvais deviner. L'empereur, tout ça, genre l'empire qui essaye de quand même se rebeller contre ça, de se rassembler et de. Et de lancer une dernière offensive pour reprendre la main et tout. Voilà, et. C'est juste ça, quoi. C'est pas il est différent. Non, c'est pas indispensable. C'est toujours l'univers étendu si tu veux agrémenter. Voilà, si tu veux agrémenter ta culture Star Wars. Mais après, faut aussi savoir, je vais te renvoyer un truc, c'est les Marvel. C'est la même chose. Tu les comprends et tu regardes que les films, je suppose que tu lis pas tous les comics qu'il y a derrière. Et comme non, ouais, puis les histoires sont différentes. Comme l'autre, là. Je lis pas tout. Mais non, je lis pas tout. Mais non, mais il a 10 ans d'un air. Trop méchant. L'empereur. Qui c'est-il qu'on appelle? L'empereur. L'empereur, je crois que je parle un peu trop fort dans mon micro. Merci. Je regarde que les gardiens de la galaxie. Enfin, qu'est-ce qu'on dit? Et les comics Star Wars. Qu'est-ce qu'on dit? Merci l'empereur. Merci l'empereur. Ah d'ailleurs, est-ce que. Parce que oui. Mathias, il arrête pas de me dire tout le temps, mais si l'empereur il s'est cloné avant de mourir. J'ai jamais dit ça. Si, tu m'as dit ça encore avant-hier. L'empereur ressuscité. Qui non, était ça, c'est une histoire de l'univers étendu. Mais ça, c'est absolument dégueulasse s'ils le font, c'est pas possible. Mais ça fait partie de l'univers étendu. Et s'ils ont dit, au revoir les gars, l'univers étendu, il n'y a plus d'empereur en société. À part s'ils reprennent. Alors, je suis vraiment désolé. Victor, je vais te demander d'user de tes talents de meubleur et d'imitateur à temps libre de Jean-Marie Bigard. Oui. Oui. Parce qu'en fait, on est sur mon lit. Il y a un problème de lit. Et le lit a des lattes qui craquent à fond et j'ai pas envie de pas dormir quand je devrais dormir. Je sais pas quand. Je pense que là, il reste plus que 4 lattes sous ce matelas. Du coup, on va un peu inspecter tout ça. D'accord. Donc, Victor, je vais meubler. D'ailleurs, j'ai parlé de mon film préféré des 6 Star Wars et pour juste emmerder Raphaël aussi. Alors, mon épisode de Star Wars préféré, c'est Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Alors, ça me dérange pas. Pourquoi la menace fantôme? Parce que pour moi, c'est un peu comme l'effet du Star Wars épisode 7. C'est la même chose en fait, c'est la continuité d'une saga qu'on pensait finie. Et qui revient, même si c'est un préquel, on était tous très contents. Beaucoup de Chinois préfèrent le préquel à la trilogie originale. Attends. Et moi, attends. Pourquoi ? Parce que dans un film qui s'appelle Cyprien, qui est joué par Elise Moon, et dedans il y a les Chinois qui disent ah non, nous on préfère le préquel parce qu'il y a plus d'effets numériques et tout. C'est super cool les effets numériques. Mais non. Non. C'est honte. Alors attends. Magique, alors. Ah oui, c'est magique. C'est un grand moment d'internet là qu'on est en train de vivre. Non, alors pourquoi l'épisode 1? Parce que l'épisode 1 c'est le meilleur déjà de la prélogie. Bah en même temps, c'était pas compliqué de faire moins bien. Bah non, mais parce qu'en fait, vous êtes chier de critiquer deux Star Wars comme ça, ça m'a révolte. Genre on peut pas critiquer même si c'est mauvais, on dit que c'est bien. C'est une forme de politesse, envers ton. Tu vois, quand il y avait des problèmes dans la Bible, on le dit pas, tu vois, notre religion, c'est pas grave, on n'y passe tout dessus. Bah là, c'est pareil quand il y a Star Wars. C'est pas ma religion. Dis pas notre religion, parce que sinon, ça revient à dire la France est un pays de race blanche, de base judéo-chrétienne. Non, la France, c'est un pays de Jedi. C'est pas la même chose. C'était un des pires philosophes de ce monde. Mais tu n'es pas encore un Jedi. Alors pourquoi le 1? Le 1, je finis juste avec ça, le 1, parce que ça suit une continuité, ça suit. Comme c'est très linéaire, ça suit pas deux personnes en même temps, pas deux axes en même temps, c'est qu'un axe. Oui, il n'y a pas de montage parallèle entre deux histoires comme le 2 et le 3 a pu faire. Et ça va très vite, parce que je trouve que ça va. Ça s'enchaîne très rapidement. Le rythme, il est vraiment bon. Et l'action est là pendant tout le film, on est hypé pendant tout le film, il y a des caméos de Jabba le Hutt, Jabba le Forestier, qui sont là, c'est juste ouf. Et. Voilà, j'ai parlé de mon épisode de Star Wars préféré, j'ai du mal, putain. Et Raphaël, toi, ton hypothèse sur Star Wars épisode 7? Mon hypothèse sur Star Wars 7, en gros, après, moi, je regarde un peu plus que le coma des mortels, les théories et tout ça. Et moi, j'étais d'accord avec une rumeur qui courait, comme quoi Han Solo et Chewbacca et tous leurs nouveaux amis, ils doivent retrouver des reliques liées et à Anakin, enfin tout lié à la famille Skywalker, en gros, que ce soit le masque de Dark Vador, la main de Anakin, tout ça. Et en fait, il y a un truc, c'est que dans le 5, l'Empire contre-attaque, Luke perd son sabre laser bleu. Et pour moi, l'histoire, c'était que, vu que le méchant, donc Kylo Ren, cherchait toutes les reliques, il voulait mettre la main sur le sabre de Luke dans le 5, qui est celui d'Anakin, puisque Obi-Wan l'a gardé. Et donc moi, mon hypothèse, c'était ça, et qu'en gros... toute l'idée du First Order et de pourquoi il y a encore des Stormtroopers, hein, putain, c'est que en gros, Hollywood. C'est ce que, enfin, les comics là qui sortent actuellement en kiosque, je sais pas, Nini Comics, tout ça. En fait, ils expliquent que Dark Vador c'était un peu le sous-fifre de l'empereur et que il faisait que, enfin, en fait, l'empereur il dit bah voilà, comme ça, tu feras peur aux ennemis et machin. Et en gros, c'était un peu l'instrument de dissuasion contre les rebelles. Et tu sens que Dark Vador, il avait envie d'être plus, comme Anakin, il avait envie d'être beaucoup plus. Je pense qu'ils amènent vraiment vers ça. Et du coup, j'ai la conviction et l'hypothèse, en tout cas, que Dark Vador, il a tenté de faire son... il a tenté de faire un... Comment on dit ? Un petit putsch. Un coup d'état, ouais, un putsch pour... genre... un petit putsch. Moi aussi. C'est juste pour ça que je rigolais au fait de mon côté. Un putsch pour utiliser Luke pour faire renverser l'empereur et ainsi reprendre la main sur l'empire et que ça devienne le premier ordre. Et du coup, il avait créé une espèce de sous-empire planqué. Mais il le dit à un moment d'ailleurs. Il lui dit. Ah bon il ouais, dit... avant, quand il lui dit je suis ton père, il lui dit viens, nous allons. Genre tuer l'empereur et nous dominerons le monde tous les deux. Ah et non, là, il dit rejoins-nous avec l'empereur. Non il le critique pas l'empereur. Ah bien sûr que non. Si. On a des cookies. Ah non. Il dit on viens. Le côté obscur, non, on a des cookies. Il dit à aucun moment, je pense pas que dans le 5, il dit rejoins-nous et on va tuer l'empereur. Si si, il dit nous créerons un nouvel ordre. Si merci si, l'empereur. Bah l'empereur, il le sait, il l'a vu. Ah merde, sérieux ? Ouais. Et du coup, je suis mauvais. Moi, je pense que il y a vraiment il y a vraiment de ce truc-là, tu vois, Dark Vador, Anakin, il était trop gourmand sur le pouvoir. Arrêtez et du coup, de le critiquer. Mais on critique pas, on relate des faits. Et je pense qu'il est vraiment... quand même la raison d'un génocide massif. Donc je pense qu'on peut le critiquer. C'est comme si on dit, ouais, Hitler, c'est vraiment un enculé. Ah, il a tué arrêtez des de critiquer. Il a tué des enfants. Il a tué des enfants dans le 3, Jedi. Dans le 3, on le voit tuer des enfants. C'est juste ouf, cette scène. Il a c'est fait horrible. Un tas de trucs bien aussi. Non, Anakin, c'est un gros fils de pute. Qu'est-ce que je voulais dire bon. Il y a... je sais pas si vous avez joué Star Wars épisode 3 sur Play 2. Oui. Non. Et le Lego, oui. Il y a un moment, il y a une scène. En fait, tu joues le combat final. Et à un moment, tu joues le combat final Obi-Wan Anakin. Anakin. Mais du point de vue d'Anakin. Et du coup, tu gagnes ce combat. Et tu butes Obi-Wan au final. Non. Si, je te jure. Putain, si tu peux faire la même mais chose attends, en Star Wars Lego. Du coup, après. Et du coup, en fait, t'as l'empereur qui arrive et qui dit bien joué, mon jeune apprenti, nous allons dominer le système. Et là, t'as Anakin qui bute l'empereur de façon totalement gratuite. Et il disait non, je en disant non, je domine seul. Oui, non, mais je pense qu'il y a vraiment. Et je pense qu'il y a vraiment. Cette idée-là que Dark Vador, il veut le pouvoir, mais pour lui tout seul. Tu vois, c'est Dark Vador. C'est le mec qui l'a censé. Moi, je le voyais pas aussi méchant. Tu vois, si, je le voyais vraiment. Mais c'est pas qu'il je pense qu'il en avait juste marre d'être le mec d'à côté. Are you an angel? Être devant. Mais c'est toujours. Non, mais c'est. Et en plus, dans tous les films. Tu le vois dans tous les films. Dans l'épisode 2, il est toujours sous Obi-Wan qui le rabaisse. Je suis pas d'accord, il s'est trop manipulé. Tu le vois parce que dans l'épisode 3, quand il vient tuer Mace Windu, genre le pouvoir, le pouvoir. Non, c'est lui le traître. Il est trop perdu, il sait pas quoi faire. Ah non, c'est lui, non, c'est lui. Et n'importe quoi. Et je pense, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, tu le vois dans le 2 où il est sous-fif d'Obi-Wan. Tu le vois dans le 3 où il est sous-fif d'Obi-Wan pendant tout le temps. J'ai même pas fini. Mais quand il vient de tuer Mace Windu, genre, c'est n'importe quoi. Oui, il a tué Mace Windu. Mais genre, il se soumet à un truc de malade, c'est mais tout. C'est qu'il est perdu. Mais oui, c'est il est perdu, première... il est trop triste. Attends, pour moi, il a changé à ce moment-là. Mais non. À partir du moment où tu tues des enfants, c'est qu'il... C'est un connard. Mais non, mais c'est le truc qui l'a fait basculer. C'est que au début, il était entre les deux. Et le mec, tout le temple Jedi, il lui monte le bourrichon. Il dit ouais, t'es l'élu. Mais après, il sait pas quoi faire, le gars. C'est l'élu. Et en même temps, c'est le souffle d'Obi-Wan. La psychologie de Dark Vador, c'est génial. Mais oui, j'adore. Mais non, mais c'est le perso oui, au centre de l'histoire. Oui, je suis d'accord. Mais là, pour moi. Non, pour moi, il a jamais. Tu vois, il s'est soumis. Et là, c'est là où on le voit bien, tu vois. Mais il s'est soumis parce que le mec, il était. Dans le 3, tu parles ? Mais même dans, il non, soumis, dans les 4, 5, 6. On lui a 6, dit que ce serait mieux de dans se soumettre le 6, que dans, eux, ceux d'avant. Parce que dans le 6, quand il amène son fils. Quand il amène son la scène fils, dans l'ascenseur, là ? Ouais. L'ascenseur vaisseau, les vaisseaux ascenseurs. Non, quand il ramène son fils sur l'étoile noire, il se soumet. Enfin, pour moi, il se réveille juste, mais c'est ce qui fait le poids de Star Wars. Il se réveille au moment où il se passe quelque chose à son fils, et c'est tout. À aucun moment, il dit je vais tuer, je vais prendre des choses en main. Pour moi, il est perdu jusqu'à ce moment-là. Mais il est. En fait, non, c'est. Ouais, il a non, pas pensé, c'est non, un robot. Mais moi, les mecs, il est devenu un robot. Les mecs, Dark Vador, il étrangle les gars, les généraux de l'Empire, mais c'est pour leur faire peur, et c'est une histoire de hiérarchie, tu vois. Parce que si tu fais peur à eux. Bah après, s'il prend le pouvoir, tu vois, les généraux, ils vont avoir peur parce que c'est Dark Vador. Et l'empereur, il est jamais là. Pour moi, c'était comme George Lucas l'avait dit. Dark Vador, ça devait être à la base un cyborg, un robot, tu vois. Pour moi, c'était pas quelqu'un qui. C'était pas un penseur. Ça a jamais été un penseur. Mais ça, non, c'est pas un penseur, c'est juste un mec qui veut le pouvoir pour lui tout seul. Ouais, mais même. C'est tout. Non, il faut. Pour moi, parce pour que moi. C'est l'élu. Et du coup, ils lui ont dit t'es l'élu, bah, le mec, il veut à tout prix avoir le pouvoir pour mettre l'équilibre dans la force et pour dire ouais, bah, là, c'est moi mais c'est y moi y de là organiser un premier ordre. Pour moi, ça me paraît impossible, tu vois, que un mec comme Dark Vador, il est seul. Mec, dans les comics, il connaît plein de gens. Le mec, il engage Boba Fett et tout, hein. Je te jure ouais, que si c'est si vrai. Tu m'avais mais dit. Dans le film aussi. Oui, oui aussi, mais en fait, il est fin dans le comic, c'est entre le 4 et le 5, donc du coup, il se connaissait d'avant. Et même, je veux bien fait, faire le mec, ma théorie, il est juste moi. Perdu, tout ce qu'il fait, il le fait même pas pour lui, il le fait pour sauver sa meuf. Et en plus, après, ouais, elle, un petit peu la pour tue, lui quand même. Ouais, non, il la pour tue, lui, et après, le premier truc qu'on lui dit, c'est qu'elle est morte quand il se réveille à moitié robot. Moi, je pense que si lui a cramé, vous l'avez amené ici, vous l'avez tué. Du coup, et ben, il est juste trop triste tout le reste de sa vie. Ouais, si non, tu mais n'es pas c'est, avec moi, c'est aussi. Alors enfin, tu es contre moi. Tu n'es pas un Jedi. Mais t'as plein de trucs comme ça. Et tu le vois dans la bande dessinée, justement. Pas forcément qui voulait que le pouvoir. T'as une bande dessinée qui relate les effets entre le 3 et le 4. Ah, oh, où il y a Dark Vador là. Où il y a Dark Vador. Le règne de Dark Vador, je ouais, sais pas quoi. Et le premier tome, justement, où il dit. Il appelle l'empereur parce qu'il tombe sur un truc comme quoi il y a de l'esclavagisme et normalement le premier décret qui a été utilisé c'était par l'empire c'était de réduire l'esclavagisme à zéro dans la galaxie, ce qui n'a jamais été fait d'ailleurs, ce qui est honteux. C'est pas ce qui est honteux. Qu'on en parle. Il y en a marre. Mais non, mais c'est surtout que l'esclavagisme, tu vois, c'est un thème qui est cher pour lui parce que c'est un esclave. Oui, tu vois, il a été esclave. Et okay, du coup, mais c'est pour ça qu'il veut plus être esclave et il veut être le boss, tu vois, de l'empire. Ouais, c'est mais pour ça. Pour moi, à aucun moment, on a senti cette volonté vraiment. Mais non, mais c'est parce que il... C'est, tu vois, ce serait tiré par les cheveux parce que ce serait pas du tout. C'est là où je trouverais que ce serait pas du tout raccord avec l'univers qu'on nous avait présenté dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était pas quelqu'un de pensant et je vois pas pourquoi on changerait si, ça. Non, qu'on... je pense que c'est juste mais quelqu'un si, d'impulsif et à chaque fois il lui arrive des trucs. Ouais, mais est-ce tout que... le monde s'en fout, il est tout seul dans sa merde, sa mère elle meurt, tout le monde s'en fout, alors du coup eh ben, il se défoule, sa meuf elle meurt, du coup il se défoule. Il danse. C'est il juste va... parce que tout le monde s'en fout, personne veut l'écouter un petit peu. Il avait juste besoin d'un alors, câlin, je pense. En gros, c'est ça. Donner un câlin à Dark Vador. Il est oublié, c'est le mec qu'on oublie. Alors qu'il est toujours au premier rang, mais on l'oublie, en fait, on oublie ouais. Ce que lui peut ressentir. Moi, et ça, je pense qu'il est frustré. Je suis bien d'accord avec vous, mais le seul problème, moi, qui me pose quand j'entends ce genre de théorie, c'est que ce ne sera pas raccord avec le film. Et c'est pour ça qu'on est très loin. Mais pourquoi c'est pas raccord ? Regarde, dans l'épisode 5, il embauche des chasseurs de primes. Ouais, mais c'est pas explicite. Putain, mec, si tu as un film sur tous les chasseurs de primes, là, les potes à Boba Fett, ce serait trop bien. Moi, c'est le film que je veux faire, Star Wars, ça déboîterait. Potes à Boba Fett. Star Wars et pas Star Wars. Moi, je veux bien faire ma théorie. Je pense avoir trouvé exactement le scénario de Star Wars. Regardez-le, le modeste. Épisode 7, je pense que j'ai trouvé. Allez, Laurence Kasdan, montre-nous. Pour moi. En fait, Dark Vador n'avait pas de fils. Il savait que Padmé était enceinte dans le troisième épisode. Et pour moi, il a toujours essayé de retrouver, d'avoir son fils quelque part. Du coup, il aurait réutilisé une technique de clonage. Il se serait cloné. Mais au moment où il aurait achevé ce clonage, ce serait Luke qui serait venu dans sa vie. Et du coup, il aurait compris, il aurait laissé tomber quelque part et il aurait tout donné, toute son attention pour Luke. On le voit, de toute façon, c'est... De toute façon, il joue vraiment le rôle de père. Par exemple, quand il est dans l'épisode 4 sur Yavin, genre c'est lui qui va rendre visite à Skywalker. Genre dans le 6, c'est lui qui se déplace, tu vois, c'est pas... Et pour moi, il a vraiment un attachement. Bah, de toute façon, on le ressent vraiment dans les 4, 5, 6, à partir du moment où il dit « Je suis ton père ». Il y a vraiment un attachement qu'on voit beaucoup dans la fin du 4 et le 6. Alors pour moi, c'était Kylo Ren, c'était donc son clone. Et pour moi, Mark Hamill, donc Luke Skywalker, serait un peu perdu dans la force. Et le but de Kylo Ren, ce serait de retrouver Luke pour, entre guillemets, lui faire payer et ainsi détruire à jamais les Jedi et que seuls les Sith règnent sur l'univers. Et Rey, qui serait la fille de Han Solo. Et Luke. Et Leia. Et Leia chercherait à retrouver le sabre de Luke que son père lui avait parlé. Et Finn, pour moi, c'est juste un Stormtrooper qui est... Ça, c'est sûr. Qui est... Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah si, c'est clairement un Stormtrooper. Ah si. Pas si. Un Stormtrooper, mais peut-être un pilote. Ouais, mais tu sais, dans les comics, il y a le truc noirs, là. Ça. À la fin. Ouais. Bon, on explique ou pas? Vas-y. Répétez. Bah, en gros, là, dans les ruines de l'Empire, le truc, ça met juste un thème en avant, en gros, c'est... Attention, spoil. Ouais, attention, gros spoil, si vous voulez pas vous spoiler, là, ça va être... bouchez-vous les oreilles, parce que là, ça va être vraiment la grosse partie. En gros, la fin de l'album, ça se termine sur Luke, qui part sur un... Il va où? Il va sur un vaisseau de l'Empire. Non, dans la base militaire de l'Empire. La base militaire de l'Empire pour récupérer. Pour récupérer les arbres de la Force. Ouais, qui étaient dans le temple Jedi. Qui étaient dans le temple Jedi. Les arbres de la Force. Et en fait, c'était. Sérieux là ? Ouais. Oh, je suis deg. Et en gros. Vert. Et il y en a un qui est planté sur Yavin 4. Et il y en a un qui est planté sur Yavin 4. Moi, et je y comprends en a... rien. Et en fait, il y a un perso qu'on oublie parce qu'on dit, ouais, il y a Finn et il y a Rey et tout, mais il y a le mec, il y a Oscar Isaac. Ouais, mais lui, pour moi, c'est juste un rebelle, tu vois, c'est juste le capitaine, tu vois, le chef des pilotes. Ses parents étaient rebelles, donc du coup, et en fait, c'est ses parents qui plantent... Gros spoil à l'appel. Ah bah, genre, c'est ça parti. Y va, ouf. Non, non, mais tu vois, faut... On fera un dire, signe à la caméra dire, pour dire gros spoil, que... n'écoutez rien, non, mais en gros, enfin, ses parents... Baissez le son, on fait un signe. Baissez le son, quand on fait ça, c'est ça spoil. Bon, en gros, ses parents, c'était des rebelles. Et la mère de Po, elle a... la mère de Po. Po. elle a reçu en cadeau de Luke un arbre de la force qu'elle a planté dans sa maison. Du coup, Po, en fait, quand tu es en contact de l'arbre de la force, tu as la force. Et du coup, merde. Voilà. Oh, et Leia, elle sent la force aussi. Et voilà, là, c'est la folie. Et elle a vu Dark Maul. Elle a vu Dark Maul dans le hangar, ouais, dans les vaisseaux à Naboo. J'ai vu. C'est n'importe quoi. Comment on peut voir Dark Maul ? On parle maintenant. Elle a une vision, elle a vu le visage de Dark Maul, enfin elle a senti Dark Maul. On est bien d'accord, le même personnage que dans l'épisode 1, oui. Qui se fait trancher. Mais à mon avis, lieu. Il hante les lieux, mais tu vois, il y a une espèce de délire. Parce que si les Jedi, ils font ça avec la force, ils se matérialisent dans la force, à mon avis, les Sith, tu vois, c'est la même chose. Donc et du coup. Aussi, rouge. Dark Maul, ouais. C'est vraiment un des personnages fétiches de la saga des fans. Okay. Des fans, ouais. Parce que c'est le Boba, pour moi, c'est le Boba Fett de. Ouais, ouais, clairement, c'était le meilleur Sith. Parce que pour moi, il dépasse tout le monde. Il est trop badass de la Terre. Il est super bien fait. C'est un diable. C'est le seul qui a deux. Non, mais il est trop cool. Et il est, surtout, ils ont fait un truc, c'est que dans. Je pense que dans toutes les séries qu'ils ont pu faire hors Star Wars, ils ont fait revivre Dark Vador. Mais il était donc le noir, hein, lui. Hein. Ouais, bah ouais. Ils l'ont fait revenir. Ouais. Parce qu'il était trop balèze. Non, il était trop mais cool. Apparemment, Dark Maul, justement, il a été. C'est pas un vrai Sith. Ouais, en ça gros, c'est serait un mec. Un qui... enchantement. Ouais, ouais, il sort d'un puits et ça tout. C'est plutôt un blog, du coup, si c'est pas un Sith. C'est un Tumblr. Oui, Kawan ? Je veux juste faire remarquer un petit truc comme ça. On fait une petite pause à ration pour ceux qui se forcent à nous suivre et alors qu'ils ne sont pas forcément fans de Star Wars addicts comme vous pouvez l'être. Je tiens juste à souligner que d'entrée, Eve a dit qu'elle ne voulait pas se montrer, mais n'était pas une ardue de Star Wars. Si. Non, t'as dit que t'avais pas... tu mens. Non, mais elle a vu les ta gueule. Non, ouais. J'ai vu... tu fais du mansplaining. J'adore vraiment Star Wars. Non, par contre, je veux pas aller... Enfin, j'ai rien vu de ce qui est sorti sur le set. Voilà. À part le titre. Ah oui, d'accord. Mais du coup, là, j'entends plein de trucs, mais non, je veux vraiment pas voir la bande-annonce, je veux vraiment rien dire, lire de vos théories, donc je l'écoute, mais j'entends pas. Okay. Mais a priori, il n'y a pas que moi qui fais ça. Il y en a plein. Il y a ceux qui sont les gros fans et qui veulent tout savoir. Et il y a les gros fans qui veulent rien savoir. Mais nous, on veut pas tout savoir. Nous, mais en vrai, moi, je veux juste le voir le plus rapidement possible, en fait. Quitte à me... Non, à me faire spoiler, c'est un peu chaud parce que je me spoilerai pas quand même un moment magique de ma vie que je sais que je vais ressentir ce 16 décembre. Tu as la force. Mais j'ai vraiment envie de me hyper tout de suite parce que là c'est trop une attente, j'ai besoin de ça, tu vois. Je pourrais mais pas moi aussi j'ai trop envie d'aller le voir, moi, mais j'ai en même temps j'aime tellement Star Wars, en même temps je me dis ça va être trop bien et tout, ça va recommencer ça... Et en même temps je me dis est-ce que ça va être aussi bien, est-ce que je vais pas être un peu déçu? Il y aura des lens flares quoi déjà. Il y aura la patte de Jean-Jean Abrams. Ouais, voilà. Il n'y aura pas de beau gosse comme dans le 2 et le 3. Oula, dis-moi que tu parles d'Evan McGregor et. Ewan McGregor. Evan, moi je dis Evan. Evan McGregor le breton. Calé quoi. Evan McGregor. Oh Evan, vas-y, oh. Arrête les sabres. T'arrêtes tes conneries, hein, maintenant. La jeunesse d'Evan McGregor. Evan McGregor. Evan. C'est toi le mec qui mettait les chemises dragon du marché là. Evan. Bonjour à tous les Evan. Ouais, bon, Erwan McGregor. Erwan McGregor, le bien connu. Qui a grandi en Bretagne. Ne fera pas le parallèle. C'était des Siamas. C'est des Siamois. La fatigue. Ça, j'ai pas compris. Là. Ouais, du coup, c'était qui le beau gosse? C'était. Machin. McGregor c'était Hayden Christensen. Ah merde. Mais Cavan, il joue un peu comme un porte-savon, non? Genre, est-ce qu'on sait que le doubleur qui fait Anakin. C'est la voix de Skyrock. C'est la voix de Skyrock. Et merde. Yo, c'est le mec qui a dit, la première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock. Yes. Moi, je m'en fous, je le trouve. D'ailleurs, tout à l'heure, on parle de rap et le pas de merde. Le doubleur de Bruce Willis, c'est quand même celui qui fait la voix sur la chanson, quoi. Mathias, il vient toujours niquer. Ah, attention, je sens le TGV Magazine en VO. De manière évidente. De quoi? TGV Magazine. Non, TGV Magazine, pas pour le moment. Ok, plus tard. Ok, mais... et du coup, est-ce que je voulais aborder là pour cette dernière phase un peu de Star Wars, de ces 10 dernières minutes, c'est que il n'y a pas que les épisodes, les grands épisodes, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est que Disney a aussi décidé, bah les gars, ce serait bien de sortir un, voire deux Star Wars par an, donc avoir le même schéma tactique que Marvel, donc sortir plusieurs films de la même licence par an. Et du coup, ils ont créé les Star Wars Story, avec le premier qui s'appelle Rogue One. Ouais. Moi, donc, qui traitera de comment les rebelles ont volé les plans de l'étoile noire à l'Empire. Oh, les vilains. Et donc on suivra un groupe de mecs et de jeunes femmes, je sais plus. Comment elle s'appelle ? Felicity Jones, je crois, qui joue le rôle principal. C'est celle qui devait jouer Black Cat dans Spider-Man et qui a été virée. Et Brian Cranston, il joue qui ? Brian Cranston, il joue pas dans Star Wars. Ah. Et par contre, il y a Mads Mikkelsen dans celui-là, donc le chiffre dans Casino Royale. Le Hannibal, quoi. Ouais, Hannibal. Par contre, moi, et j'ai très peur de ce et de c'est réalisé, attends, et je termine juste, c'était réalisé par Gareth Edwards, donc le mec qui a fait le nouveau Godzilla. C'est pour ça que je te demandais si Brian Cranston faisait un rôle. Ah, c'est pour ça. Voilà. Et donc, pour moi, j'ai très peur, justement, de cette méthode. Wow, pourquoi attends, Mathias, regarde-moi. Pourquoi? Parce que, en fait. C'est la première fois que j'entends ça, tu vois. C'est... Bah, en fait, c'est que je suis un grand fan de la saga. Ouais. Mais au fait, ce que j'ai très peur, c'est que ça fasse comme Marvel. Que ça s'essouffle très vite. Non, parce que les mecs, ils ont. Oui, mais ils ont beau blinder les trucs. Mais pour Marvel, on avait attendu. Non, mais c'est pas qu'ils blindent, c'est qu'ils ont une approche. Tu vois, les mecs, ils prennent des mecs qui savent faire des films. Oui. Ils ont pris J.J. Abrams, même si on est d'accord ou pas avec sa technique, sa réa, tu vois. Ouais. Et ils ont pris Gareth Edwards, qui est un des gros réa de genre. Hollywoodien en ce moment, qui a fait un Godzilla certes critiquable, mais enfin il a réussi à remettre Godzilla, tu vois, et à oublier le film de Emmerich. C'était pas compliqué ça, mais et du coup, tu vois, je pense qu'ils ont vraiment une démarche de, ils savent que Star Wars c'est une madeleine de Proust pour des milliards de gens sur Terre, et que c'est un c'est un bonheur fou, tu vois, de se dire, bah, je vais voir Star Wars au cinéma et je vais passer 2 heures avec des putains de X-Wing et des R2-D2, enfin R2-D2 dans tous les sens. Et tu vois, et les mecs, ils veulent faire plaisir, ils prennent des mecs qui kiffent Star Wars, qui savent ce que c'est Star Wars, et je pense qu'ils vont jamais se planter comme Marvel. Marvel, ils prennent que des tâcherons et ils savent pas foutre, ils savent rien foutre avec leur licence. Du coup, j'ai expliqué en mon deuxième point pourquoi j'ai peur. C'est que, enfin, c'est pas forcément que j'ai peur, mais c'est que je trouve ça dommage que tu perdes le côté. Tu vois, ils veulent Star Wars par an et que ce soit un gros événement. Et qu'ils veulent brasser aussi. Mais ça fait de l'univers. J'en fous là. C'est de l'univers attendu en film. Laissez-le parler. C'est que ils veulent brasser un maximum de personnes. De périodes. Et je trouvais ça aussi cool que ça soit des gens un peu élitistes qui parlent de Star Wars en allant chercher plus loin eux-mêmes et pas avec les studios qui donnent tout cuit. Tenez, voilà la version de nos faits. Voici l'exemple de personnes qui aiment trop Star Wars et qui veut pas la faire partager aux autres. Bah, moi c'est pas ça, c'est que je comprends tellement pas, c'est justement c'est nouveau, c'est oui, moi c'est... j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin d'une c'est l'univers vieux de 100 ans. C'est l'univers étendu mais en film. C'est bah, ça oui. a été ça a et jamais été fait, ça a jamais eu le temps d'être fait. C'est génial, c'est mais je comprends bien votre point de vue et je suis très content que ça existe en film. Mais c'est ce côté justement un peu on donne tout aux gens, mais on donnera jamais tout aux gens, il va y avoir des milliards de romans et de comics qui vont arriver. On donnera jamais tout aux gens pour Star Wars, c'est un fait. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup de les faire? Est-ce qu'il valait enfin de quoi ces films-là, tu veux dire? Ouais. Bah, c'était vraiment une bonne idée. Après, il y aura plein de trucs, tu vois. Il y a. On sait pas encore. C'est ça le truc, en fait. Il y a Rogue One, ça c'est sûr. Mais après, il y en a un sur Han Solo qui est prévu par les mecs qui ont fait le The Lego Movie. Donc Phil Lord et Chris Miller. Et. J'ai rien dit. Attends. Il y en a un sur Obi-Wan tout seul ou Obi-Wan et Anakin. Et il y en a un sur Han Solo et Boba Fett. Et ça, c'est des rumeurs, on sait pas vraiment. Et dernière rumeur, Aaron Paul serait Han Solo. Ouais, j'ai entendu. Lourd. Attends, juste une petite parenthèse. T'as pas aimé Lego The Movie? Non. Pourquoi? Parce que j'ai vendu des Lego tout l'été à Jouer Club. Ah, ouais, mais c'est le meilleur film d'animation de son année. Oh non. Et c'est toi qui. Attends, elle a vu Le Voyage d'Arlo aujourd'hui tout à l'heure là. Elle dit que t'as dit que c'était bien, c'était ça. Et il est vraiment bien. Ah oh, merde. Sérieux? Oh merde! Oh merde! T'as pas allumé ton micro? Si, il est allumé. Si, c'est bon, bien joué. Ok. Ouais, non. Mais. Eve, je te considère plus jusqu'à dans 10 minutes. Oh, non! Je suis désolé. Je suis désolé, non, c'est pas du tout le meilleur film d'animation de l'année, mais il y en a eu des millions tellement. Des millions, au moins des millions. Surtout qu'il est sorti l'année dernière. C'est parce que c'est méta, tu vois, et que ça parle plus pour les adultes qu'aux enfants, mais après, c'est tout. Quoi. Mais il y a des tas de films d'animation pour adultes. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais l'animation est cool aussi. Lego, oui, non, mais c'est fou parce qu'on dirait des plus vrais Lego qui bougent. C'est génial parce que c'est des petits Lego. Non, c'est pas ça, c'est que c'est marrant, c'est que c'est bien fait, c'est un bon humour. Ça se prend pas pour un con. Et il y a Star Wars. Et tout le monde, et c'est ce que j'allais dire, il y a Star Wars dedans, c'est trop bien, c'est le meilleur film. Ils font des caméos comme ça de Léo, des caméos de Lego. Pardon. Non, c'est juste le meilleur. En plus, il y a un personnage que j'affectionne beaucoup, c'est le personnage de Cool Tag. Qui est cool, j'aime beaucoup. Il est rigolo, mais de là à dire que c'est le meilleur film d'animation de l'année. Ouais, mais ouais, il extrapole beaucoup vite. Jamais. Bref, il y a des Lego Star Wars et. Et oui. Et beaucoup. Comment j'allais vous finir ce. J'aimerais qu'on parle des produits dérivés de Star Wars. Eh bien, La Poste fait une spéciale Colissimo. C'est quoi les trucs les plus extravagants que vous avez vus? La Poste, je sais pas. Si, ouais. C'est pour le set. Le quoi, tu... Les trucs les plus extravagants que tu as vus de Star Wars. Bah, les avions et les trains. Les trains Star Wars? Oui. Et les avions. Au Japon, ils ont fait des trains Star Wars. C'est trop bien. Putain, il faut trop que j'aille au Japon. Moi, c'était quoi? C'était je suis allé à Leclerc et quand j'ai fini de faire mes courses, ils m'ont donné des POG là. Attendez, ils m'ont donné des POG. Alors, c'est une. C'est ouais, une y a Kavan, ah ouais, j'en ai plein moi déjà. Moi, j'en ai 6 pochettes qui m'attendent là. Hop, je te le renvoie le micro. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai exactement ça. C'est ceux de Kawan. Il a eu Kylo Ren et Jabba le Forestier. Moi, j'ai eu que des vieux. Moi, j'ai eu le Faucon Millenium en brillant. Et ben, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et je cherche Boba Fett. De la pub gratuite. Mais ça, c'est. Ouais, mais c'est un bel objet, tu vois. Non, c'est moche. C'est du carton. Allez, c'est des POG. On en a plein. Ouais, mais c'est des POG. C'est des POG en hexagone. Mais c'est des POG quand même. C'est des nouveaux POG. Je sais pas. Moi, je trouve ça vraiment moche, mauvais. C'est de mauvais goût. Je trouve ça trop. Non, c'est pas de mauvais goût. C'est cool. Le pire. Juste sur Star Wars. Le pire. que j'ai vu en produits dérivés comme ça, carton, etc., c'est les espèces d'étiquettes Panini. Ah, les trucs que je t'ai montré là, ouais. Les cartes Tops. Ouais. Ah non, c'est stylé ça. Ah, arrête, la traduction, mais non, elle est faite. Ouais, mais c'est fait exprès, tu vois, c'est la traduction canadienne. C'est fait exprès. Non, mais ça, c'est un truc. Les cartes Tops, en gros, c'est Tops, c'est une marque de chewing-gum au départ aux États-Unis. En gros, aux États-Unis, quand tu achètes un chewing-gum, t'as un chewing-gum et t'as un sticker ou une carte dedans. Et donc c'est là commencé par exemple Mars Attack, ça vient de là. Yoko Dots, les Crado, je sais pas si vous voyez ce truc fait par Art Spiegelman, parce qu'il a fait Mouse et les Crado. Et donc il y avait ça dedans. Et en gros, quand ils ont fait le premier Star Wars, il y a eu des cartes Tops. En gros, ça résumait tout le film en cartes. Et ça avait un design très particulier avec des liserés super flashy sur les côtés et un gros logo Star Wars avec un, vous savez, le truc prédéfini dans Photoshop là, qui fait un espèce d'éclair. C'est le gros cadre comme ça, ouais. Ce truc-là. Bah, en gros, il y avait le logo Star Wars dedans. Et il y a certaines images du film pour le set qui ont été reprises de ça. Et c'est juste du vintage, tu vois. C'est juste c'est un clin d'œil, la collection Tops. Bien sûr que c'est kitsch et c'est fait exprès. Mais moi, je kiffe, tu vois. J'en ai acheté. J'ai pas honte. Oui, mais c'est kitschoun. Oui, c'est kitschoun, mais c'est fait exprès. Oui, ils sont conscients, tu vois. Ça, c'est juste du marketing. C'est genre Star Wars, c'est trop bien. Star Wars, vite. Mais tu vois, c'est marrant, c'est des POG, t'es heureux. Bah, par contre, on a tous remarqué un truc, c'est que les trucs sur les persos du set, ils ont pas de description. Ah ouais ? Ouais, ils ont aucune description, alors que les gars du normal, voilà, je montre. Ils voient pas. Merci Marie. En gros, on sert à rien. C'est trop bien. Mais moi, on parle de trucs. C'est des aimants pour mon frigo. Non, c'est des POG. Non, ça sert à rien. Tu peux pas jouer aux POG avec ça. Non, tu peux rien faire. En plus, ils sont même pas ronds. Si, tu peux acheter un carnet et les mettre dedans. Ça prend la poussière. Ouais, ouais, tu disais, Mathias, tout à l'heure qu'il y avait trop d'objets dérivés. Ouais. Ouais, ouais, moi je pense que tout. Il y a tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je vous ai passé dans la galerie marchande récemment et il y a dans une vitrine de fringues, mais je sais plus quelle marque, il y a une espèce de R2-DD2 reconstitué en carton avec des collages. C'est la pub, correct, ça, c'est pas. Ouais, mais c'est une pub, c'est pas un objet. Après. Oui, bah. Mais parce qu'à l'intérieur, t'as des. Ah, il y a une collection arrivée, Star Wars. Ouais. Quand tu vois les. Déjà, les pèses. Je pense qu'on va parler jouets. Quand tu vois le nombre de figurines qui sortent chaque année. Sur Star Wars, alors que Star Wars n'était même. C'était même plus. Surtout qu'ils font des Reddit et tout. Oui. C'est un truc de malade. Hein. Donc c'est un peu un truc de malade. Et ça vaut très cher. Tailles. Ouais, ça vaut une fortune en plus. T'as différentes tailles, t'as différentes matières, t'as différentes. Ouais, ça dépend lesquelles, tu vois. Mais si tu veux un truc avec une peinture pas trop dégueulasse. Bah non, t'achètes les Kenner, les premiers. Moi, le truc le plus extravagant que j'ai vu, c'est une émission spéciale au Big Deal. C'est pas vrai. The Star Wars ? Oui. Ça existe ? Non. Big non. Deal, ça existe encore ? Non, mais pour le 1. Pour l'épisode de la menace fantôme, ou t'inventes ? J'ai inventé. Ah ok. Putain. Ça, j'ai eu peur. J'étais tellement hypé. Moi, je pense que le pire produit dérivé, par contre, c'est le Holiday Special. Et je pense qu'on peut finir sur ça. C'est quoi ? Mais c'est pas un produit dérivé. C'est un univers étendu. Et il compte en plus. Oh merde. Il compte dedans. Il compte. Ils l'ont dit. Trop bien. Je suis trop heureux. En gros, quand le set. C'est vrai qu'ils vont ressortir les. En gros, quand le 4 est sorti, il a tellement marché que c'est quelle chaîne ? CBS ? En gros, il y a une chaîne de télé américaine qui a commandé un épisode de Noël de Star Wars qui est dispo sur YouTube. Oh. Mais ça me dit quelque chose. C'est la foire au n'importe quoi. Est-ce qu'on peut, tu veux nous montrer un petit extrait du Holiday Special si personne ne verra. Cherchez sur internet Star Wars Holiday Special. Star Wars Holiday Special, en gros, c'est un épisode de Noël sur Star Wars avec les persos du film. Donc il y a Harrison Ford, il y a Carrie Fisher, il y a Peter Mayhew, il y a tout le monde dedans. Alors, par contre, Mark Hamill, on ne sait pas trop si c'est lui. Oui. Il a une coupe de cheveux assez chelou, on ne sait pas trop. Il y a des généraux de l'Empire avec des moustaches, mais des moustaches au frère, des balais brosses. C'est excellent. C'est excellent ou c'est pas excellent ? Bah, en fait, c'est un nanar, mais j'ai jamais vu. Soit c'est le pire truc de Star Wars du monde. Ça dure combien de temps ? Ça dure une heure et demie. Ça dure une heure et demie, c'est super long. Ils chantent et tout, mec. Il y a des c'est hyper long. Et surtout le début. Et le début, c'est horrible parce qu'en fait, c'est la famille de Chewbacca. Mais vu qu'ils parlent en Chewbacca, on sait pas qui est qui. Et on comprend rien. Et les mecs, ils ont des tabliers et ils font la cuisine. Genre, les Wookiees sont dans leur cuisine. Oui, j'avais vu. Et ils regardent des émissions culinaires. Ils regardent des émissions culinaires. Ils sont trop moches. Oh, c'est chaud. Et c'est n'importe quoi pendant tout le film. Quoi. On met juste les bruitages pour que vous puissiez voir ce que c'est. C'est horrible. Donc voilà, je pense qu'on peut arrêter et là. Ça a été fait par toute l'équipe de Star Wars 1. C'est-à-dire même Ralph McQuarrie, le gars qui a fait tous les designs. C'est, il a participé à ce truc. Et donc, il faut savoir que là, ces bruitages, ça dure mais une demi-heure. Et pendant la première demi-heure, tu comprends pas ce qui se passe. C'est hilarant. Tu sais pas. Et t'as des scènes improbables. C'est comme si tu regardais un film en coréen. Et que tu bites pas le coréen, parce que si tu bites le coréen, évidemment, tu vas t'intéresser au truc, tu vas trouver l'histoire poignante. Mais si tu bites pas un mot de coréen et t'es devant, bah tu restes là pendant une demi-heure, tu comprends pas. Il y a des gens, des fois, il y a des films, si t'as le dialogue, ils peuvent faire n'importe quoi, mais si t'as le dialogue qui est cohérent, le truc va être cohérent. Mais s'il y a pas de son. Ou s'il y a des miaulements. Si à un moment, tu vois un mec lécher le sol avec la langue. Alors que s'il y avait eu un dialogue, peut-être c'était justifié. Mais là, tu vois un mec lécher le sol avec sa langue, puis se donner des claques, non, là, t'as plus de sens. Voilà. Voilà, c'est et en gros, ce quoi. Truc que vous venez de voir, le Star Wars Holiday Special, George Lucas essaye à tout prix de brûler toutes les copies qui existent. C'est vrai. Oui. C'est comme le jeu E.T. sur l'Atari. De... Ouais, qui a été enterré au Mexique et qui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça a été prouvé, ils l'ont retrouvé. Il y a un super documentaire sur ça qui existe. Mais c'est n'importe quoi. Et comme le film produit par George Lucas. Mais ce ne sera pas dans un quiz, ça, bientôt, lors de la nuit anonyme, Kawan. Peut-être le quiz juste après. On verra, on verra. Donc, bah, il est déjà. Il est pile 2 heures. Donc, 7 heures Star Wars se termine. Donc, on va appeler les gens qui restent encore debout. Donc, je vais aller voir dans la seconde partie du studio. Et on va les meubler et je vais aller dormir. Oh, tu restes pour mon quiz? C'est le quiz des musiques là? Ouais. Oh, j'ai envie de faire dodo. Bah vas-y, va faire dodo. Mais et si attends. Je suis réveillé un peu tôt, je reviens. Attends, tease-moi parce que j'ai envie de savoir. C'est des reprises improbables.